toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Du 20 au 29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. De 30 minutes. Bonjour déjà à vous tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h comme tous les vendredis après-midi. Voici donc l'émission. Souvenirs, les chansons des années anciennes avec un petit retour pour les écouter et pour faire un petit souvenir. J'espère que tout se passe bien depuis ce matin et puis j'espère aussi que tout se passera bien aussi l'après-midi. Regardez, je vous laisse du côté des chansons et je vous laisse avec déjà Annette Lajon, son titre On s'aimera quelques jours. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Dès le second jour, en me prenant entre ses bras, on s'aimera toujours, toujours, jamais on ne se quittera. Moi qui sais à quoi m'en tenir sur ces amours de paradis, en crânant je lui répondis, ne parlons pas d'avenir. On s'aimera quelques jours, tu verras mon amour, que la vie sera belle. Profitons-en simplement sans tous les boniments, les bobards habituels. C'est si bon quelquefois de perdre la tête. On ne vit qu'une fois, ne fais pas la bête. On s'aimera quelques jours, juste le temps très court qu'on n'en ait plus envie. Le temps qu'on a en amour, c'est de vouloir toujours se compliquer la vie. Comme toujours dans ces cas-là, de nous deux je l'aimais le mieux. Et le matin qu'il s'en alla, j'avais des larmes plein les yeux. Je tentais de le retenir, mais ce fut lui qui répondit. Repense à ce que tu m'as dit quand je parlais d'avenir. On s'aimera quelques jours, tu verras mon amour, que la vie sera belle. Profitons-en simplement sans tous les boniments, les bobards habituels. Je l'ai vu s'en aller sans tourner la tête. J'ai failli l'appeler, mon Dieu que c'est bête. On s'est aimé quelques jours, juste le temps très court qu'on n'en ait plus envie. Le temps qu'on a en amour, c'est de vouloir toujours se compliquer la vie. J'ai failli l'appeler, mon Dieu que c'est bête. On s'est aimé quelques jours, juste le temps très court qu'on n'en ait plus envie. Le temps qu'on a en amour, c'est de vouloir toujours se compliquer la vie. Et on continue avec Jacqueline Nero, son titre Marilyn. Oh Marlena, il ne vit que pour toi, toi qui ne l'aimes pas. Oh non, non, non, non, non, qu'il n'ait pas ses idées. On sait qu'elle l'aime quand on la voit pleurer. Oh non, non, non, non, non, qu'il n'ait pas ses idées. On sait qu'elle l'aime, qu'il doit la consoler. Oh Marlena, à son unique tourment, pourquoi il t'aime tant? Oh non, non, non, non, non, il ne peut t'expliquer ce que son cœur a décidé d'aimer. Oh non, non, non, non, non, il ne peut commander lorsque son cœur en premier a parlé. Depuis ce premier jour de mai, qu'il t'a offert ce brin de muguet, il ne sait plus que dire, il ne veut plus redire tout son amour à celle qui le hante chaque jour et pour toujours. Depuis ce premier jour de mai, qu'il t'a offert ce brin de muguet, il ne sait plus que dire, il ne veut plus redire tout son amour à celle qui le hante chaque jour et pour toujours. Oh Marlena, il ne vit que pour toi, toi qui ne l'aime pas. Pas s'hésiter, on sait qu'elle l'aime quand on la voit pleurer. Non, non, non, non, non, non, qu'il n'est pas s'hésiter, on sait qu'elle l'aime, il doit la consoler. Maurice Chevalier au 7 Mitzi. Oh, 7 Mitzi. Oh, 7 Mitzi. Cette mitzi m'a bouleversé, pourquoi l'ai-je embrassée? Je suis dans une impasse, et quelle impasse. Car l'on m'attend par ici, oui mais par là aussi. Et je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Céder ou résister, partir ou bien rester. Je me sens faible tout à coup, mais je ne suis qu'un homme. Après tout, j'adore Colette, je suis fou de Colette. Mais oh, cette mitzvah. Je perds la tête dès que j'embrasse Colette. Mais oh, cette mitzvah. Elles ont chacune des charmes éclatants. Je peux pas pourtant aimer l'une et l'autre en même temps. Je suis honnête, je veux pas tromper Colette. Mais oh, cette mitzvah. Il y a des femmes qui ne se laissent pas fléchir. Mais oh, cette mitzvah. D'autres réclament une heure pour réfléchir. Mais oh, cette mitzvah. Elle est venue, je l'ai vue, elle m'a plu. C'est une Vénus avec même quelque chose en plus. Colette est belle, il n'y en a pas deux comme elle. Mais oh, cette mitzvah. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2, 96.2 Arc-en-Ciel. Il s'appelle René Laguiri et son titre Mon petit copain. Ils prennent des allures de bestioles impures à jouer les durs de durs. Mes petits copains, faut les voir dans la rue, les épaules qui remuent, l'œil sur des gens venus. Et l'air malin, ils ont composé leur langage mondain qui berce des filles aux sourires fragiles, des filles qui se font un devoir docile de choyer leur petite gueule de diablotin. Elles promènent des rêves de satin aux bras de mes petits copains. Ça vous fait marrer, pourtant y a pas de quoi. Même étant fauchés, il nous faut de la joie. Les filles qui se laissent cajoler, on n'a que ça pour s'amuser. Ils prennent des allures de bestioles impures et crachent sur les murs. Mes petits copains, la vie pose au hasard sur leur cœur de moutard ses pattes de brouillard et de chagrin. Mais au bout de la semaine, il y a le bal enveloppé de sacrés mirages. Et si ça finit par un beau carnage, pour les souvenirs, ce n'est pas plus mal. Sur la chienne de vie, on se fait les points qu'ils pensent, mes petits copains. On nous fait manger en nous tenant les mains, de la semaine enragée, plus qu'à notre faim. Les grandes chevauchées du ciné, on n'a que ça pour voyager. Ils font parfois le mur des barrières trop pures et frôlent les coups durs. Mes petits copains, ils cherchent dans la vie des sourires d'amis. On leur colle un fusil pour se faire la main. Ils ont sous le front des quartiers de rock avec des accords de musique douce, des remous de foule qui se trémoussent aux visions d'avenir pour tenir le choc. Mais ces histoires-là seront pour demain, qu'ils disent mes petits copains. Mais ces histoires-là seront pour demain. Alors, qu'ils disent... à demain. Elle s'appelle Edith Piaf avec son titre C'est la faute à tes yeux. Mmh. pour un homme, il en avait si peu pour moi. C'est peu de choses, la vie en somme, je l'ai tuée, tant pis pour moi. Tout ça, c'est de la faute à ses yeux, aux tièdeurs des matins, à son corps près du mien. Tout ça, c'est de la faute aux beaux jours, c'est de la faute à l'amour. Le ciel était trop bleu. L'avocat qui prit ma défense compte à notre roman d'amour. Et pour prouver mon innocence, il en salit les plus beaux jours. Tout ça, c'est de la faute à tes yeux, aux tièdeurs des matins, en ton corps près du mien. Tout ça, c'est de la faute au beau jour, c'est de la faute à l'amour. Mon ciel était trop bleu. Le juge avait un air sévère, ses yeux n'avaient pas d'horizon. D'une voix grave et sans colère, m'a condamné à la prison. Tout ça, c'est de la faute à mes yeux. Ils ont vu dans les tiens que dansait mon chagrin. Sur mon ciel bleu. Son titre, pardon, si je t'importe de thune. Je vous demande attends que tu reviennes. J'oublierai tout, car je t'aime tant. Il faut que tu comprennes ma lâcheté, mon amour se confonde. Et serais-tu au bout du monde, que j'irai m'étreindre à genoux si tu m'appelles. Pardon, si je t'en partirai. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. On continue Tino Rossi avec son titre Amapola. Amapola, l'oiseau léger qui passe, la rose et le lilas, chante ta grâce. Amapola, l'on d'où les cieux se mirent, n'a pas autant d'éclat que ton sourire. Le vent même s'aborde dans le poème que je lui ai confié. De la rose avec Yves Montand, jolie comme une rose. Comme une rose de mer.

les rires éclatent, la joie d'être ensemble, ambiance de fête, nos anciens riches de nos coutumes, respect, on nous apprend, dans ce camping notre amour est grand, gitan, gitane. L'âme s'envole, n'emportée par l'oubli. Liberté, liberté, oh, oh, oh, chaque instant partagé, jamais effacé. Gitan, gitane, au rythme du feu, sous les étoiles, notre cœur est heureux. Quand le jour se lève, on part à l'aventure. Les liens se renforcent dans la chaleur pure. Chassés par les vents, mais toujours rassemblés. Dans ce grand voyage, rien ne peut nous séparer. Gitans et gitanes, ensemble pour l'éternité. Dans la danse de la vie, nos âmes en liberté. Que le feu de nos cœurs jamais sur le chemin des rêves, jamais il n'y a de trêve. arc-en-ciel. Voici Cora Vauquer et son titre On marche du palais. Georgette Plana, le bar de la marine. Au bar de la marine, il y a des gars aux yeux bleus. Ils portent sur leur mine des pays merveilleux. Cherchant, on le devine, quelques cœurs langoureux sur des airs en sourdine ou des refrains joyeux. Au bar de la marine, il y a des gars aux yeux bleus. Au bar de la marine, il y a de l'amour pour deux. Soudain je vis le ciel et ce fut merveilleux. Tout parut irréel dans l'azur de ses yeux. Il y avait tant de soleil, de chaleur dans ses mains, comme je me sentais bien. Au bar de la marine, j'ai rêvé dans ses bras, serré sur sa poitrine, j'ai dansé tant de fois. Emporté par la ronde, il me contait sa vie. J'ai fait le tour du monde, appuyé contre lui. Le bar de la marine, aujourd'hui est fermé. Mon gars de la marine est loin dans le passé. Le titre s'appelle Le Pont Mirabeau avec Léo Ferry. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, l'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, passe les jours et passe les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont.

elle s'appelle Yvonne Printemps. Et son titre, oui, je t'aime au Paris. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Et voici John Williams avec Les Héros de mon enfance. Elles sont mortes, les légendes des temps heureux. Où sont les héros de mon enfance? jolie conte révolue. Elles sont mortes, les légendes des temps perdus. La chanson de Roland est un air oublié. La belle au bois dormant ne s'est pas réveillée. Petit Poucet n'a plus ses bottes, Cendrillon a perdu sa fée. Et les moulins de Don Quichotte, malgré le vent, sont arrêtés. Où sont les héros de mon enfance? À la guerre, ils sont partis. Elles sont mortes, les légendes du temps jadis. Où sont les héros de mon enfance? Les hommes les ont tués. La sirène jolie au fond de l'océan est devenue un cri sauvage et déchirant. On a tué de pauvres hommes dans la case de l'oncle Tom. Et Robinson et Vendredi sont morts sur l'île de Bikini. Sont les héros de mon enfance, personnages fabuleux. Elles sont mortes, les légendes des temps heureux. Les rêves d'enfants et leurs espoirs du passé et d'aujourd'hui. Feront demain les vraies histoires de notre vie. Il s'appelle Jacques Brel et son titre La Bastille. Mon ami qui croit que tout doit changer, crois-tu le droit de t'en aller tuer les bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir et que nos ennemis, il faut aller les pendre, dis-le-toi désormais. Même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aider. Mon ami qui croit que rien ne doit changer, te crois-tu le droit de vivre et de penser en bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut défendre un bonheur acquis au prix d'autres bonheurs, si tu crois encore que c'est parce qu'ils ont peur que les gens te saluent plutôt que de te pendre, dis-le-toi désormais. Même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami, je crois que tout peut s'arranger sans cri, sans effroi.

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Génération en génération. Des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel. Riches ou pauvres, quoi qu'on fasse sur la terre, notre existence est une chose éphémère, et des pendules, le tic-tac incessant, semble nous dire, tout passe avec le temps. Voici l'enfant qui vient de venir au monde, sa mère penchée vers sa petite tête blonde, vers la pendule placée près de son lit, jette un regard et soucieuse se dit, si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nos petits enfants, si mignons, si gentils, grandiraient pas pour déserter leur nid. Lorsqu'à 20 ans, un jour ils se marient, sans un regret, ils partent et vous oublient. Et les mamans dont ils brisent l'espoir, pensent on voudrait près de soi toujours les voir. Restez petits, garçons ou petites filles, si l'on pouvait arrêter les aiguilles. Dans les campagnes, ainsi que dans les villes, règne le calme et chacun vit tranquille, sans se douter qu'un orage gronde au loin pour bouleverser la paix du genre humain. Un peu partout, en Europe, en Afrique, les noirs dessous de l'infâme politique sèment la guerre, horreur de tous les temps, que nul ne peut arrêter pourtant. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, on n'entendrait plus le tocsin sonner pour enlever nos fils à leur foyer. Quant à l'instant où tous les bras travaillent, quoi de plus triste que l'heure des batailles? Peut-être qu'un jour, retrouvant sa raison, l'homme maudira la guerre et ses passions. Plus de tueries, ni d'hommes qui se fusillent. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles. Juste un instant, Berthe Silva. Et je vous laisse avec Lida Margie et son titre, La Petite Lily. C'était une gamine de 16 ans, ayant perdu tous ses parents. Une simple couturière, sans toilette et sans manière. Mais plus beau que tous les trésors, elle avait de blonds cheveux d'or et des yeux bleus de mystère, plus précieux encore. Trottinant gentiment le matin, le soir, il fallait la regarder passer sur le trottoir. Toute jolie, la petite Lily. Et chacun se disait, devant ses grands yeux, il semblait se refléter tout l'azur des cieux. C'est un ange qui passe dans la vie, la petite Lily. Un beau jour sans penser à mal, elle fit connaissance dans un bal d'un rôdeur de la barrière. Elle se donna tout entière, mais lui qui aimait pas travailler, il lui fit quitter l'atelier en lui disant tu vas me faire un meilleur métier. Trottinant tristement, quand venait le soir, il fallait la regarder passer sur le trottoir. Toujours jolie, la petite Lily. Et chacun se disait devant ses grands yeux, où semblait se refléter tout l'azur des cieux, elle n'est pas faite pour cette vie. La petite Lily. Mais bientôt elle en eut assez, alors elle voulut se sauver. C'était l'heure où le gaz s'allume, il la suivit dans la brume, lâchement comme une brute dans le dos, il lui planta son grand couteau. Elle tomba sur le bitume sans dire un seul mot. Un agent qui faisait sa tournée le soir la trouva étendue morte sur le trottoir. Toujours jolie, la petite Lily. Car la mort avait mis dans ses grands yeux bleus un sourire comme en ont les anges dans les cieux. Elle est remontée dans sa patrie, la petite Lily. Mariano nous amène du côté de l'Espagne avec le titre Jardin Espagne. Luis Mariano. Dans le silence du palamor, ce soir encore, je viens rêver. Sous les arcades, autrefois j'ai chanté, bien des sérénades trouvées en volée. Avec indolence, la brise balance, le jet d'eau qui danse parmi les parfums. Les feuilles frémissent, des ombres complices, doucement se glissent et je me souviens. C'est dans un jardin d'Espagne que tu m'avais dit je t'aime. Bois le décor est le même et toutes ces fleurs sont pour toi. Car dans mon jardin d'Espagne la lune me dit pourquoi. Et bientôt ma sérénade montera sous les arcades. Chérie, quand tu reviendras. La nuit si claire, toujours t'espère, et pour te plaire, mais c'est à tour, toutes les roses en robe de velours, pour toi sont écloses de la fin du jour. Sur les blanches dalles, les fleurs de Grenade versent leurs pétales en gouttes de sang. Ma peine est trop dure, chérie, je t'assure, pense à la blessure de mon cœur aimant. C'est dans un jardin d'Espagne que tu m'avais dit je t'aime. Vois le décor est le même et toutes ces fleurs sont pour toi. Car dans mon jardin d'Espagne la lune me dit tout bas que bientôt

Et je vous laisse avec Miss Tinguette, le titre Parisette. Chacun me complimente et me crie oui, bonjour. Pour avoir du chic et du maintien, suffit que je m'habille avec un rien. Un petit bout de ruban, quelques violettes, on m'appelle Parisette et ça me va très bien. Parisette, je suis coquette, je souris, la Paris qui perd la tête. Parisette, l'air moqueur, les baisers font leur nid dans mes fossettes. Parisienne, c'est un cri pour tout le monde, je suis l'article de Paris. Un jour un monsieur très comme il faut, qui avait un monocle et des gants de peau, m'offrit quoi ton sol à se devine, un beau manteau d'hermine, puis une autre 40 chevaux. Et je me disais, c'est bien certain, je dois avoir l'air américain. En prenant l'accent, je suis à la page. Les blagues sur mon partage, ce fut le même refrain. Parisette, Parisette, midinette, qu'as-tu fait de ta petite chemisette? Parisette, t'es honnête, le bonheur, ce n'est pas les bijoux. Parisette, cœur en fête, vin sous frites, quelquefois on les regrette. Parisette, t'es pas bête, ne change pas et ne sois qu'un joli joujou. Change avec Rina Ketty, son titre Changer d'adresse. La nuit contre votre maison fait une ombre immense. Je comprends enfin la raison de votre silence. Changez d'adresse, moi qui revenais vers vous, pleine de tendresse, vous n'êtes plus chez vous. Je reste là sur le trottoir, le cœur brisé. C'était cela que nos beaux soirs, sur mes rêves bien aimés, un mur se dresse avec des volets fermés. Vibre là tant d'espoir, tant de nuits à rêver d'amour pour vous trouver. Un triste soir, changez d'adresse. Rien, plus de traces de vous, pas même une lettre, que le vent qui passe en rêvant sous votre fenêtre. Changez d'adresse, et moi qui gardais pour vous

continue avec les chansons et je vous laisse avec de la musique de country. love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. Look at life is brief. Once the page is read, but love is dead. This is my we'll be right back.

et sa belle Juliette. Et avant de continuer avec les chansons, bien voici la programmation pour ce soir et demain. Donc ce soir, à partir de 17h, 19h, vous allez retrouver Emmanuel, l'émission Découverte. Et puis juste après, entre 19h et 22h, avec Albino, l'émission Marika. Et puis demain, samedi matin, entre 9h jusqu'à midi, eh bien vous allez retrouver Christine avec Portugal, nous, Corésiens, entre 9h midi. Et ainsi pour le dimanche matin, vous allez retrouver Agostino entre 8h jusqu'à 10h avec Antal Bougalo. Et puis juste après, pour écouter bien les chansons que vous voulez écouter avec Lionel et Jérôme de 9h à 12h30. Et puis juste après, vous pouvez me retrouver à partir de 12h30 jusqu'à 16h avec l'émission de l'accordéon. Les chansons avec Léo Marjan avec son titre Attends-moi mon amour. De retour, renonce patience. Attends-moi, mon amour, dans ce beau coin de France, qui fut témoin de tant de jours, plein d'insouciance. Et comme aux heures du passé, notre existence. Je pense recommencer. Attends-moi, mon amour, chaque jour qui commence, peut-être celui du retour, garde confiance. Si parfois le soir ton cœur tremble, repense à tous nos souvenirs. Après tant de bonheur ensemble, notre amour ne peut pas finir. Attends-moi, mon amour, avec un peu de chance, je serai bientôt de retour, prenons patience. Attends-moi, mon amour, dans ce beau coin de France, qui fut témoin de tant de jours, plein d'insouciance. Et comme aux heures du passé, notre existence, pourra, je pense, recommencer. Attends-moi, mon amour, chaque jour qui commence, qui sait, peut-être enfin le jour de mon retour. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Elle s'appelle Suzy de l'air et son titre Orange Café Tabac. Je connais un doux pays où l'on vit tranquille. C'est un peu du paradis. Oui, mais qu'y faut-il ? Des oranges, du tabac, du café, des oranges, du tabac, du café, toujours couché sur le dos, pris le vent debout, à mi-voix, un peu de mots, on parle du goût. Des oranges, du tabac, du café, des oranges, du tabac, du café, oh, si l'on a soif dans ce pays, oh oui. Que j'adorais et qui, si l'on est énervé, c'est le café. Le café! Oh, oh non, écoutez, non, non, qu'est-ce qu'il chante? C'est vous, c'est moi. Non, c'est pas au point ce truc-là, moi je m'en veux. Non, oh, oh, je connais un doux pays où l'on vit tranquille. C'est un peu du paradis. Oui, mais qu'y faut-il? Des oranges, du tabac, du café. Là-bas, lorsque son cœur bat pour faire sa cour, le garçon sur un grand plan offre avec amour des oranges, du tabac, du café, des oranges, du tabac, du café. André Claveau, son titre L'amour. L'amour, c'est comme un marlou, et quand t'as deux sous, ça te met sur le sable. L'amour, c'est comme un vin doux qui te rend tout fou. Et te fous sous la table. L'amour, c'est comme un filou qui te fait filer doux. C'est la femme du diable. L'amour, c'est comme un vin doux, un marlou. C'est l'amour qui rend fou. L'amour, c'est comme un voyou qui met des verrous aux portes du rêve. L'amour, c'est comme un joujou, si à deux on joue, à jouer sans trêve. L'amour, c'est ta main qui court des fleurs de bijoux, à notre vie brève. L'amour, c'est un souffle, un rien, un joujou, c'est l'amour, joue à joue. L'amour, c'est deux pommiers doux que tu portes au cou quand j'y prends mes hardes. L'amour, c'est un petit licou tout fait pour mon cou quand je m'y hasarde. L'amour, c'est comme un toutou qui fait les yeux doux quand tu me regardes. L'amour, c'est ça qui vient d'on ne sait où. Mon amour est mon nous. Et voici Christian Pacou avec sa chanson qui s'appelle Le Fanfan, la tulipe. Doit toujours s'appeler papa. Je vous dirai que mon père un certain jour me happa, puis me menant jusqu'au bas de la rampe me dit ces mots qui mirent sans dessous dessous: je te dirai ma foi, y a plus pour toi rien chez nous, v'là 5 sous et les campes. En avant Fanfan la tulipe, oui 1000 dents d'une pipe en avant. Puisqu'il est fait qu'un jeune homme, quand il a 5 sous vaillants, peut aller de Paris à Rome, je partis en sautillant. Le premier jour, je trottais comme un ange, mais le lendemain, je mourais quasi de faim. Un fruiteur passa qui me proposa, pas d'orgueil, je m'en bats l'œil, faut que je mange. En avant, Fanfan, la tulipe, oui, 1000 noms d'une pipe en avant. Quand j'entendis la mitraille, comme je regrettais mes foyers, et quand je vis à la bataille marcher nos vieux grenadiers, un instant nous sommes toujours ensemble, ventre bleu me dis-je alors tout bas, allons enfant mon petit Fanfan, vite au pas qu'on ne dise pas que tu trembles. En avant Fanfan la tulipe, 8000 noms d'une pipe en avant. 20 ans de soldat vaille que vaille, quoi qu'au devoir toujours soumis. Une fois hors du champ de bataille, je n'ai jamais connu d'ennemis. Des vaincus, la touchante prière me fit toujours voler à leur secours. Tiens, je fais pour eux, les malheureux le feront un jour à leur tour pour ma mère. En avant, Fanfan, la tulipe, 8000 noms d'une pipe en avant. Plus d'une gentille friponne, maintes fois j'ai fait la cour, mais toujours à la dragonne, c'est vraiment le chemin le plus court. Je disais quand une fille un peu fière sur l'honneur se mettait à dada, tremble pas pour ça, ces vertus-là, tôt ou tard finissent par cesser de faire. Oh là, on Fanfan la tulipe, 8000 noms d'une pipe en avant. Mon père dans l'infortune m'appela pour le protéger. Si j'avais eu de la rancune, quel moment pour me venger. Mais un franc, un loyal militaire, ses parents doivent toujours être la paix. Si j'avais eu de lui, je serais aujourd'hui mort de faim. Mais enfin, c'est mon père. En avant, Fanfan, la tulipe, 8000 noms d'une pipe en avant. Maintenant, je me repose sous le chaume hospitalier et j'y cultive la rose sans négliger le laurier. De mon armure, je détache la rouille car si le temps a mené les combats, de nos jeunes soldats guidant les pas, je m'écrirai: je suis français qui touche mouille. En avant, Fanfan, la tulipe, oui, 1000 noms d'une pipe en avant. En avant, Fanfan, la tulipe, oui, 1000 noms d'une pipe en avant. Sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. commence avec Linda Renault avec son titre qui nous mène du côté de Rome avec Romance à Rome. Se meurt le jour, on s'aime à Rome, bercé par le chant d'amour. Romance à Rome, où la douceur de la nuit invite et fait qu'on pardonne toutes les folies. Les jardins, les fontaines pouvaient parler, ils diraient tant de choses qu'ils gardent en secret, tant de désirs, tant de brûlants souvenirs font que personne n'oublie la romance à Rome. Romance à Rome, où la douceur de invite et fait qu'on pardonne toutes les folies. Deux par deux, dans la nuit, se promènent les amoureux. Dans le ciel, les étoiles veillent sur eux. Un chant d'amour, c'est un quand monte le jour. Jamais personne n'oublie la romance à voici, elle s'appelle Juliette Gréco et son titre, il est avec. Il y avait un garçon qui vivait simplement, travaillant dans le faubourg. Il y avait une fille qui rêvait sagement, en attendant l'amour. Il y avait le printemps des romans, qui passait en chantant. Et cherchait de cœur tout blanc, pour prêter des serments et en faire des amants. Il y a eu un moment merveilleux, lorsque leurs regards se sont unis. Il y a eu ces instants délicieux, où sans rien dire, ils se sont compris. Il y a eu le destin, qui a poussé le gamin à lui prendre la main. Il y a eu la chaleur du bonheur qui leur remontait au cœur. Il y a eu ces deux corps éperdus de bonheur et de joie sans pareil. Il y a eu tous ces rêves perdus qui remplacent leur nuit sans sommeil. Il y a eu un moment où soudain le printemps a repris ses serments. Il y a eu le bonheur qui s'est enfui en pleurs d'avoir brisé deux cœurs. Il y avait un garçon qui vivait simplement travaillant dans le faubourg. Il y avait une fille qui pleurait en songeant à son premier amour. Il y avait un destin qui suivait son chemin sans s'occuper de rien. Tant qu'il y aura des amants, il y aura des serments qui ne dureront qu'un printemps. Tant qu'il y aura des amants, il y aura des serments qui ne dureront qu'un printemps. De Lille avec son titre Valser dans l'ombre. Valser dans l'ombre entre tes bras, tourner, tourner sans bruit. Verser ton ombre sur mes pas, valser avec la nuit. Ne plus compter le temps, ne plus savoir ce qui m'attend, me croire en un rêve perdu, transporté dans l'inconnu. Blottir dans l'ombre de ton cœur et mon désir. Cueillir dans l'ombre le bonheur d'un jour prêt à fleurir. Sentir ton cœur troublé contre mon cœur abandonné, frémir comme un oiseau brisé au vertige d'un baiser. Valser dans l'ombre entre tes bras, tourner, tourner sans bruit. Verser ton ombre sur mes pas, valser avec la nuit. Nicolas sur Arc-en-Ciel. Et je vous laisse avec les quelques musiques et chansons romantiques. Je suis là sans phare, sans peur, je sais aimer. Avec un autre morceau de romantique. Quand le matin j'ouvre les yeux sur ton sourire, le monde entier commence à fleurir. Chaque seconde devient des perles d'or. Quand tes bras m'enlacent comme l'aurore, mes sens de soleil. tu en doutes. Même si tu les fuis, tu les sentiras quand tu ne sauras. De romantique, eh bien, je vous laisse avec une chanson de Mick Michel avec son titre qui s'appelle C'est vers elle que tu vas. C'est vers elle que tu vas. Tu as du chagrin et tu m'aimes pourtant, mon cœur en est certain. C'est vers moi que tu viens quand ton monde est joyeux. plein de rires et de jeux, sans soucis, sans adieu. Ne suis-je donc pas capable de partager aussi en ami véritable tes ennuis, tes soucis? C'est vers elle que tu vas quand tu as du chagrin. Tu ne t'aperçois pas que je te tends la main. Quand tu as du chagrin, t'as mis ta tête sur son épaule, elle t'a serré entre ses bras. J'ai compris que c'était son rôle. Moi, je ne pouvais rien pour toi. C'est vers elle que tu vas quand tu as du chagrin. Et je ne t'en veux pas, tu l'aimais avant moi. C'est vers moi que tu viens quand la vie te sourit. Avec moi, tu es bien et tu ne penses à rien. Si je suis ta lumière dans ton ciel lumineux, mon soleil t'exaspère quand t'as les larmes aux yeux. C'est vers elle que tu vas quand tu as du chagrin. Mais moi, je n'ai que toi pour consoler le mien. C'est vers toi que je viens. C'est vers toi que je viens. Elle s'appelle Danielle Darrieux, chanson de la poupée. Thank you.

les bateliers qui vendent dans tes eaux m'ont dit qu'à minuit, parfois quand il fait beau, on peut voir rôder léger comme un oiseau le fantôme tout blanc de Monte Cristo. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et bien après l'accordéon, retour avec les chansons. Et voici Guibéry. Guibéry, le titre, La révolte des joujoux. D'éteindre la lumière, bébé succombe à son sommeil. Mais les joujoux très en colère, dans leur placard tiennent conseil. Les joujoux font grève, ils en ont assez d'être tracassés et fracassés. Le ballon qu'on crève, la poupée qu'on bat, sont lassés des jeux et des combats. Le pompier n'a plus d'échelle, le tambour est plein de trous. Le cheval n'a plus de selle et l'auto n'a plus de roues. Mais il se soulève contre cet enfant. Il va voir comment on se défend. Le placard entre-ouvre sa porte, ça grince un peu. Ma foi, tant pis. Et voilà que les joujoux sortent, sautant sans bruit sur le tapis. Les joujoux discutent pour savoir comment ils vont préparer leurs armements. Pour mener la lutte, un chef est nommé. C'est un vieil indien tout déplumé. Le pompier fourbit sa lance, le tambour bat le rappel. Le cheval déjà s'élance, le moment est solennel. Quittant leur cahute, ils forment les rangs, le mot d'ordre étant mort tyran. Le chef a dit marchons en ordre vers celui qui nous démolit. Pour le griffer et pour le mordre, nous grimperons au drap du lit. Mais l'enfant sommeille, tendre et gracieux, comme un chérubin tombé des cieux. Devant ces merveilles, les joujoux surpris se sont arrêtés tout attendris. Le pompier dit tout de même, un bébé c'est bien gentil. Le tambour dit moi je l'aime. Alors ils sont repartis. Quand l'enfant s'éveille vers 8h15, les joujoux sont tous dans leur placard. Et je laisse avec Jean Ferrat. Jean Ferrat avec son titre qui s'appelle « Regarde-toi, Paname ». Non. Ne crâne donc pas ton Paname. Je ne voudrais pas te faire de peine. Mais on peut voir couler la Seine ailleurs qu'au pied de Notre-Dame. Le Châtillon, à l'estuaire et le Bègne, bien d'autres lieux, grâce en soi rendu au bon Dieu, y a pas que Paris sur la terre. Paname, si tu te crois belle, c'est que tu ne t'es pas regardée du côté du quai de Grenelle ou de Montvert, mutualité. Paris le soir, Paris la nuit, dois-tu t'ennuyer du vent vivre, tu noies dans le son des fifres ta solitude et ton ennui. Paris, tu vas paumer ta ligne à force de mordre au gâteau. Tu prends du vent, le bar en buteau. T'es moins jeune et tu te résignes. Paname, tu te crois Marielle, mais tu ne t'es pas regardée sur le vieux pont des Batignolles. danser. Tu trouves la misère importune. Tu portes des beaux quartiers, comme leurs bagues et leurs colliers. Les vieilles cocottes sans fortune, mais à trois pas de Théouma, en face du quai de Passy, y a des mômes de par ici qui n'ont jamais grimpé aux arbres. Barabier, le faux poète, Paname, t'as perdu la main, t'es plus bonne qu'aux Américains. Ils viennent se soumettre à des fêtes. Troupeau de toi, fleuve tranquille, ciel généreux, pavé têtu, grande gueule et petite vertu, Paname, t'es quand même ma ville. Y'a des revers à tes médailles, des rimes pauvres à tes poèmes, pour cent palais, pour cent ripailles, combien de taudis, de carèves. Et pourtant je n'ai pas l'envie de traîner ailleurs mes souliers, c'est là que j'ai commencé ma vie, c'est là que je la finirai. Dans l'émission, on a pu écouter un morceau de Flûte de Pan. Eh bien, je vais vous laisser avec un autre morceau de Flûte de Pan. Thank you.